السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فمرحبا بكم جميعا أيها الإخوة والأخوات auditeurs et auditrices qui nous suivez sur la chaîne du Merkez de l'Imam Shafi'i رحمه الله. Et nous sommes toujours dans les explications, dans la traduction approximative et résumée des explications de notre noble cheikh Ahmed Badoukhoun Hafidhahullah, dans les explications qu'il nous a fait l'honneur de nous accorder, de nous octroyer, concernant l'épître de cheikh al-Islam Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahimahullah, à savoir les conditions de la prière, ses piliers et ses obligations. Nous avions étudié donc les conditions de la prière et nous avions vu qu'elles étaient au nombre de 9. Et les 9 conditions de la prière sont les conditions suivantes. La première, c'est l'islam. La deuxième, c'est l'aql. La troisième, c'est l'tamiz. Donc l'islam, le fait d'être musulman. Deuxièmement, d'avoir la raison. Troisièmement, d'avoir atteint l'âge du discernement. Raf'ul hadath, le fait d'enlever l'état d'impureté. Et alors, à ce moment-là, nous avions abordé le wudu. Et nous avions vu que le wudu était une adoration qui avait 10 conditions de validité. 8 annulations et 6 éléments obligatoires. Et concernant les conditions de la salah, nous avons vu donc ensuite la quatrième, raf al-hadath, le fait d'enlever l'état d'impureté. Ensuite, cinquièmement, izalatun najasa, nous avions vu le jugement concernant le fait d'enlever les souillures du corps, du vêtement et du lieu de prière. Nous avions vu également, en sixième point, yani satru awra, le fait de couvrir sa nudité pour la personne qui s'apprête à accomplir la prière. Et ensuite, nous avions vu dukhul al-waqt, l'entrée de l'heure de la prière, na'am, avant de pouvoir l'accomplir. Istiqbal al-qibla, et nous nous étions arrêtés là. Donc, nous sommes toujours dans l'étude de la 8e condition de validité de la prière, à savoir istiqbal al-qibla. Nous avions vu que istiqbal al-qibla, c'était une direction, et que ça ne doit pas être fait à un degré près. Et donc, ceci est une direction de façon globale. Nous savons qu'il existe 4 directions, la direction du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme il est rapporté par Abu Sa'id al-Khudri, radiallahu anhu, a mentionné alayhi salatu wa sallam, que ce qui se trouve entre l'est et l'ouest est une direction pour la prière, c'est-à-dire c'est une qibla. Ce hadith était concernant les Médinois, c'est-à-dire les gens de Médine, car Médine est au nord de la Mecque, c'est-à-dire que donc la Mecque est au sud de Médine. Donc pour eux, la Qibla, c'est la direction du sud. Ce qui se trouve entre l'est et l'ouest, à savoir le sud, dans ce contexte-là, est une Qibla. Et le cheikh Ahmed Badoukhoun avait expliqué, hafadahullah, que dans le cas où la Qibla, la Mecque, se trouve dans la direction de l'est, alors tu te diriges approximativement vers cette direction. Et il avait attiré l'attention concernant l'extrémisme dans lequel sont tombés certains individus, concernant le fait d'utiliser Internet ou des appareils électroniques pour déterminer la Qibla et remettre en cause certaines mosquées. C'est-à-dire qu'ils utilisent leurs appareils pour qui désignent leur qibla, et ils voient que la mosquée a 1 degré de différent, ou 5 degrés de différent, ou il y en a 15 degrés d'écart avec la direction de la qibla exacte. Et ils disent que la mosquée n'est pas construite en direction de la qibla. Ceci est une parole nulle, vaine et non avenue. Ce qui est demandé, c'est de s'orienter de façon globale dans la direction. Il n'est pas demandé de se diriger parfaitement. Là où il est demandé de parfaitement s'orienter vers la Kaaba, c'est lorsqu'on en est dans l'enceinte de la mosquée sacrée de la Mecque. En dehors de cela, si on est loin de la Mecque, on vise globalement la direction de la Mecque. C'est-à-dire dans la direction que si la Mecque est au sud, ou au nord, au sud, ou à l'est, ou à l'ouest, on s'oriente de façon globale dans cette direction. Et le cheikh a expliqué qu'il y avait 2 circonstances. Il y a le cas de la résidence et le cas du voyage. Dans le cas où, par exemple, une personne est en voyage et arrive dans un lieu de résidence dans lequel il y a des gens, qu'il peut questionner, il ne peut pas se permettre de deviner la Qibla de façon approximative. Il se doit de savoir dans quelle direction se trouve la Qibla en se renseignant, soit en demandant aux gens de la localité, aux gens dans les mosquées, ou en se basant sur le mihrab, qui est la partie concave, qui est la partie dans laquelle prie l'imam. Donc ceci sont des indices clairs qui permettent de déterminer la Qibla. Et dans l'autre circonstance, dans le cas où un individu est en voyage, et il n'y a aucun moyen pour lui de déterminer la Qibla, c'est-à-dire qu'il n'a pas d'appareil électronique, il ne peut pas demander à des gens, il n'a aucun moyen de se repérer pour savoir où se trouve la Qibla. Lui, il prie comme il peut. Et même si sa prière est faite dans une direction qui est autre que la direction de la Qibla, sa prière est valide. Car lui, il est dans un contexte où l'effort peut être toléré. Il essaie de deviner la qibla et il prie selon ce qui lui semble être la qibla, et même s'il s'est trompé, sa prière est valide. Ensuite, il expliqua un point important concernant l'iltifat. Iltifat au ras. C'est-à-dire que lorsque l'on est orienté vers la qibla, et que donc notre buste, notre corps est vers la direction de la qibla, le fait d'orienter sa tête, uniquement sa tête, vers la gauche ou vers la droite, n'annule pas la salat. Ceci n'est pas une annulation de la prière. C'est quelque chose qui est interdit, mais ça ne contrevient pas à la condition. La condition, c'est que son corps soit orienté vers la qibla. Donc si c'est juste la tête qui a tourné de gauche à droite, ceci n'annule pas la prière. Ceci est interdit, mais ceci n'annule pas la prière. Et c'est un élément qui est considéré comme étant un élément détestable dans la prière. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décrit cela dans un hadith rapporté par Aïcha, concernant le fait que Aïcha a rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de tourner sa tête durant la prière. Et que ceci était des parts de la prière que le diable dérobe au serviteur. C'est-à-dire que ceci en diminue la récompense. Non. Donc, la déviation de la qibla n'est pas considérée dès lors qu'on tourne la tête. Le simple fait de tourner la tête n'est pas considéré comme s'étant comme si on s'était détourné de la qibla. Le détournement de la qibla, c'est si on le fait avec le corps entier. Non. Ensuite, le cheikh aborda deux cas dans lesquels on peut ne pas avoir à s'orienter vers la qibla. Première situation, durant le voyage, pour une prière surérogatoire, donc une prière dont l'accomplissement est recommandé, et que l'on accomplit sur une monture, c'est-à-dire une voiture, un avion, sur un âne, ou même en marchant. On peut prier en marchant, selon l'avis qui a été considéré par le cheikh, quand il s'agit d'une prière recommandée, dont l'accomplissement est recommandé, et que l'on est en état de voyage. On n'a pas à la commencer vers la qibla. Le cheikh dit, le fait de la débuter vers la qibla est mustahab dans ce contexte-là. C'est-à-dire une prière surérogatoire, accomplie dans le cadre du voyage, non, on n'a pas à s'orienter de façon obligatoire vers la qibla. Et il est recommandé de le faire. C'est-à-dire d'initier la prière au début de la qibla, mais si on commence cette prière dans une direction autre que celle de la qibla, la prière est valide. Et autre circonstance, c'est un cas qu'on a déjà mentionné, dans le cadre du voyageur, qui est dans une situation où la qibla est indéterminée et elle est indéterminable. C'est-à-dire qu'il ne sait pas où est la qibla, il n'a pas de moyens, par le fait de solliciter autrui, ou de moyens électroniques ou de moyens de communication qui lui permettraient de savoir où est la qibla. Alors là, il prie selon sa déduction. Et s'il s'avère qu'il s'est trompé, alors il n'a pas à refaire sa prière. Et il argumenta son propos avec le verset du Coran al-Karim, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, dans le verset dans le sens approximatif en français, le suivant, « Et Allah ne charge pas une âme au-delà de sa capacité. » Il mentionna un troisième cas dans lequel la personne n'est pas blâmable pour le fait de ne pas avoir prié en direction de la qibla, dans le cas du malade, qui est incapable de s'orienter lui-même dans la qibla et qui n'a personne dans sa proximité qui peut l'orienter, c'est-à-dire mettre son corps en direction de la qibla. Alors dans ce cas-là, il prie dans l'état dans lequel il est. Ensuite, nous allons aborder, bi-idhnillahi azzawajal, la neuvième et la dernière condition de la prière, et après nous aborderons un certain nombre de ces piliers. La neuvième et dernière condition de validité de la prière, c'est an-niyya, l'intention. Et donc, sa prononciation est une innovation, comme Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab l'a affirmé, c'est-à-dire le talaffuz, le fait d'émettre la niya, ceci est dans le cœur. Mais la prononcer ouvertement avec sa bouche, la prononcer avec sa langue, ceci est une innovation. Et Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, dans son épître, a mentionné le hadith du messager d'Allah, alayhi salatu wa salam, dans lequel il avait dit, alayhi salatu wa salam, certes, les œuvres ne valent que par leurs intentions. Et chacun sera rétribué en fonction de l'intention qu'il avait. Taïb. Le cheikh Ahmed Badoukhoun a fait allusion à une divergence entre les ulémas, notamment entre les Hanbalites et les Shafi'is. C'est-à-dire que les Hanabila, les Hanbalites, considèrent que la niyya est une condition de validité de la prière. Tandis que les Shafi'ites, considèrent que la niyya est un pilier de la prière. Pourquoi? En vérité, on voit qu'ils sont d'accord, mais c'est juste qu'ils le considèrent dans des angles de considération différents. C'est-à-dire dans la manière dont il s'exprime à son propos. C'est-à-dire, les Hanbalites et les Shafi'ites sont tous d'accord que la prière est invalide sans la niyya. Cependant, les Hanbalites, eux, considèrent que c'est une condition, c'est-à-dire qu'on doit avoir la niyya avant, et ensuite on doit avoir istishabun niyya fi salah. C'est-à-dire qu'on doit avoir la niyya qui est émise dans le cœur avant le début de la prière, donc c'est une condition, et qu'elle doit être maintenue tout au long de la prière. Est-ce que ça veut dire qu'on doit avoir cette intention à l'esprit tout le long de la prière? Non. Ça, c'est istihdarun niyya. Ce qui est voulu, c'est istishabun niyya, c'est-à-dire le fait d'avoir cette niyya-là, de l'émettre dans son cœur avant la prière, d'avoir eu cette niyya dans le cœur, et de ne pas la rompre. C'est-à-dire de ne pas, par exemple, avoir l'intention de d'annuler sa prière. Ou de changer d'intention, d'un changement d'intention qui rompt la prière, par exemple. Et les chefs Yahya, eux, ont dit que la condition était un pilier. Parce qu'eux, ils spécifient qu'au moment du takbir, de la takbiratul ihram, c'est-à-dire du premier takbir qui initie la prière, il faut qu'il y ait istihdar niya, qu'il ait cette niya à l'esprit à ce moment-là. Donc eux, ils l'ont considéré comme un pilier. Ça, c'est juste une divergence dans l'istilah, c'est-à-dire dans la manière d'appeler cette chose-là. Mais au final, ils sont tous les deux d'accord, les Shafi'iyya et les Hanabila, sont tous unanimes sur le fait que l'intention est un élément essentiel à la prière et sans lequel la prière n'est pas valide. Non. Et niya, c'est l'azm, c'est-à-dire le fait d'être résolu, d'être déterminé vis-à-vis de l'accomplissement d'un acte. Donc, il suffit simplement d'être résolu, d'être déterminé à accomplir la prière, et ceci est une intention. Et l'imam Shafi'i avait dit que niyya, c'est la connaissance d'une chose. Donc, dès lors que tu sais que tu t'apprêtes à accomplir et que tu as l'intention d'accomplir un acte, ceci est une intention. Et il n'y a pas à agir de la manière dont agissent certains individus parmi les gens qui souffrent des influences diaboliques. C'est-à-dire que ce genre de personne s'efforce et se rendent les choses, ce genre de personne s'efforce et se rendent les choses difficiles en essayant d'avoir à l'esprit la niyya mentalement, etc. Et ils vont au-delà de ce qui est requis. Ils vont à l'extrême dans le sujet de la niyya. Et Ibn Qudam al-Maqdisi, rahimahullah, a expliqué que s'il nous était demandé d'accomplir des actes sans aucune intention, ceci aurait été une charge insurmontable. C'est-à-dire que la base, dès lors que tu fais un acte sciemment, que tu fais un acte volontaire, un acte qui est voulu, dès lors que tu as fait cet acte sciemment et volontairement, tu as eu une niyya. Il n'y a pas besoin d'avoir quelque chose de supplémentaire à ça. Le simple fait avoir voulu le faire et le faire, c'était une niyya. C'est tout simplement la niyya. Il n'y a pas à aller au-delà des limites et se surcharger de manière excessive. Ensuite, le cheikh Hafidhahullah a réitéré la mention du hadith du prophète, alayhi salatu wassalam, les œuvres ne valent que selon leurs intentions. Et les intentions ne... et les gens seront rétribués en fonction de l'intention qu'ils avaient. Les œuvres ne valent que par leurs intentions, donc ceci implique l'obligation de l'intention. Deuxième point important, c'est que son lieu est le cœur. Troisièmement, le fait que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il ne fut pas rapporté de lui qu'il ait prononcé l'intention, qu'il ait prononcé son intention. Et s'il l'avait fait, étant donné que nous savons que la religion a été transmise et a été préservée, si le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avait fait cela, c'est-à-dire avait prononcé de façon ostensible et audible la niyya, ceci nous aurait été rapporté. Mais du fait que ceci ne nous a pas été rapporté dans les textes, nous n'avons donc pas à prononcer la niyya. Et sa prononciation, comme Cheikh l'Islam Mohammed Abdul Wahhab rahimahullah l'a mentionné, est une innovation. C'est-à-dire que la prononciation de la niyya est une innovation. Bien qu'il y ait eu certains ulémas parmi les Shafi'iyya et les Hanabila, parmi les Shafi'iyya et les Hanbalites, parmi les contemporains, qui ont considéré le caractère recommandé de sa prononciation dans le but d'aider le cœur à avoir cette intention à l'esprit lors de l'accomplissement de cette prière. Et ces gens qui ont eu cet avis-là, ils sont malgré tout unanimes concernant le fait que si une personne émet l'intention dans son fort intérieur, ceci est valide et sa prière donc l'est également. Mais cet avis concernant le fait de considérer le caractère recommandé de la prononciation de la niyya pour aider le cœur à avoir la niyya à l'esprit au moment du début de la prière, de l'initiation de la prière, cet avis-là en vérité n'a pas de dalil et n'est pas un avis valide et authentique. Ce n'est pas un avis pertinent. Ensuite, concernant le hadith, innamal a'malu binniyyah ou binniyat, c'est-à-dire les œuvres ne valent que selon leurs intentions. Ça, c'est concernant la validité de l'œuvre. Concernant ce qui est relatif à la validité de l'œuvre et l'acquittement de l'œuvre dont on est redevable. Ensuite, la deuxième partie du hadith, et chacun sera rétribué selon l'intention qu'il avait, ça c'est en rapport à la rétribution et à l'honorification que l'on recevra par rapport à cette adoration qui est accomplie, par rapport à cette œuvre qui est accomplie. Et concernant la prière et les ablutions, donc ce qui est obligatoire c'est istishabu al-niyya, al-niyya ou istishabuha, c'est-à-dire qu'il n'est pas obligatoire d'avoir istihdar al-niyya. Ça, c'est un point fiqhi très important à comprendre. C'est-à-dire que concernant la prière et les obligations, ce qui est obligatoire, ce qui est dans le sens d'une condition, c'est d'avoir l'intention de faire cet acte et de ne pas rompre cette intention. C'est-à-dire que lorsque l'on commence la prière, on la commence et on ne met pas une autre intention qui romprait avec cette intention initiale. Et c'est pareil pour le wudu. Il ne faut pas mettre l'intention d'arrêter le wudu durant le wudu. On a une intention de faire le wudu, on commence le wudu et on maintient cette intention-là, c'est-à-dire dans le sens où on n'y déroge pas. Et ça ne veut pas dire qu'il est nécessaire d'avoir cette intention à l'esprit constamment pendant l'accomplissement de l'œuvre. Non. Ce qui est requis, c'est d'avoir eu cette intention et de ne pas la rompre. C'est-à-dire par le fait d'en avoir une autre, une nouvelle. Une nouvelle intention, comme par exemple une personne qui Mélania d'interrompre ses ablutions et d'arrêter ses ablutions. Là, il a changé d'intention. Il a donc annulé sa première. Non. Ensuite, concernant arkan au salah, donc nous abordons, après avoir terminé l'étude des conditions de la prière, des conditions des ablutions, des éléments obligatoires des ablutions et des annulatifs des ablutions, nous avons abordé, bi-idhnillahi azzawajal, aujourd'hui, une partie des conditions de la prière. Pardon, des piliers de la prière, excusez-moi. Donc, arkanuha, donc les piliers de la prière sont au nombre de 14. Les conditions de la prière sont au nombre de 9. Les piliers de la prière sont au nombre de 14. Qui sont? Le premier, al-qiyamu ma'a al-qudra. Le premier élément, c'est le fait de se tenir debout dans la prière, si on en est capable. Le deuxième pilier, c'est takbiratul ihram. Le fait de prononcer la première proclamation de la grandeur d'Allah, par le fait de dire Allahu Akbar, au début de la prière. Le troisième élément, qui est un pilier de la prière, qiraatul fatiha. Le fait de lire la fatiha, la sourate appelée al-fatiha. Le quatrième élément qui est un pilier, al-ruku', c'est-à-dire l'inclinaison. Le cinquième élément, al-raf'u min, le fait de se relever du ruku'. Le sixième élément, al-sujud al-a'dha' al-sab'a, c'est-à-dire le fait de se prosterner sur les sept membres. Al-i'tidalu min. Ensuite, le septième élément, le fait de se relever de cette prosternation. Le huitième élément, al-jalsatu bayna sajdatayn, le fait de s'asseoir entre les deux prosternations. Neuvième élément, at-tumanina fi jami' al-arkan, le fait d'avoir la paisibilité et la sérénité dans l'accomplissement de ces piliers. Le dixième élément, at-tartib, le fait de faire ces piliers-là dans l'ordre qui est légiféré. Le onzième élément, at-tashahhud al-akhir, c'est-à-dire le dernier tashahhud, dans le cas, par exemple, d'une prière où il y a quatre unités de prière, de quatre rakat, il y aura deux tashahhud. Il y en aura un premier après les deux premières et un dernier qui sera après la quatrième. Donc, at-tashahhud al-akhir, c'est le tashahhud qui est considéré comme un pilier. Le premier qui a eu lieu après les deux premières rakat d'une prière composée de quatre rakat est un élément qui est une obligation et non pas un pilier. Ensuite, le deuxième élément, al-julusula, le fait que ce tashahhud soit accompli en position assise. Le troisième élément, as-salatu ala nabi, c'est-à-dire le fait d'invoquer en faveur du prophète alayhi salatu wasalam. Et quatorzième élément, at-taslimatayn. Donc le quatorzième élément, at-taslimatayn, c'est-à-dire les deux salutations qui sont accomplies afin de conclure l'accomplissement de la prière. Barakallahu fikoum. Donc, les piliers de la prière sont au nombre de 14. Donc, le premier rukn est la station debout. Al-qiyamu ma'a al-qudra. Et ce premier pilier consiste dans le fait de se tenir debout si on en a la capacité. Et c'est un pilier qui est une obligation, c'est-à-dire que c'est un pilier dont l'accomplissement est une obligation concernant les cinq prières obligatoires. Car le cheikh, comme il va l'expliquer, dans les prières dites nawafil, dans les prières surrogatoires, le fait d'être debout n'est pas une obligation. Ce n'est pas une obligation. C'est-à-dire que la prière est valide si on fait la prière assis du début à la fin, bien qu'on en ait la capacité de la faire debout. Mais dans le cadre de la prière surrogatoire, dont l'accomplissement est recommandé, ceci est toléré. Cependant, la récompense en est diminuée de moitié. Mais là, donc, nous abordons le statut de pilier, et donc c'est un pilier dont le respect et dont l'acquittement est une obligation. Pour la prière obligatoire, donc les cinq salawat al-mafrouda, les cinq prières obligatoires. Le cheikh réitéra un rappel concernant la distinction qu'il y a entre la condition et le pilier, c'est-à-dire le fork entre al-shart et al-rukn, entre la condition et le pilier. Déjà, ils ont un premier point commun. La condition de la prière et le pilier de la prière ont tous deux en commun le fait que sans eux, la prière n'est pas valide. Donc si la personne délaisse, même par oubli, une condition ou un pilier, sa prière en serait invalide. On serait invalide s'il n'y remédie pas. Donc, ensuite, le deuxième élément concernant les distinctions qu'il y a entre la condition et le pilier. Le premier élément distinctif qu'il y a entre la condition et le pilier de la prière, c'est que la condition est à concrétiser au début de la prière, c'est-à-dire avant la prière, au préalable, et elle est à maintenir et à respecter tout le long. Tandis que le pilier, lui, fait partie de la prière. Il n'est pas avant la prière. Il est dans la prière. Tandis que la condition est à concrétiser avant la prière et à respecter et à maintenir tout le long de la prière. Ça, c'est le premier critère distinctif entre la condition et le pilier. Le deuxième critère distinctif entre la condition et le pilier, c'est que la condition est donc à maintenir tout le long de la prière. On n'y déroge pas durant la prière. Et tandis que le pilier est un élément qui est dans la prière, que l'on accomplit, mais on passe ensuite à un autre pilier. Puis on passe à un autre pilier, puis on passe à d'autres piliers, etc. Et la station debout est un pilier de la prière, et donc la validité de la prière en dépend si on en est capable. C'est-à-dire qu'on doit obligatoirement se lever et faire la prière debout, et faire la prière dans les parties dans lesquelles il est légiféré de les faire debout, on doit les faire debout. C'est une obligation, parce que ça fait partie des piliers de la prière. Cependant, si on en est incapable, qu'en est-il? On en est excusé. Dans certaines circonstances où on en est incapable. Comme par exemple le cas du malade. Par exemple, une personne qui, s'il viendrait à prier debout, ceci augmenterait et aggraverait sa maladie. Lui, il peut prier ainsi. Il n'a pas à prier debout. Car la station debout lui causerait du tort. Ça augmenterait sa maladie. Ou si, par exemple, ceci retarderait sa guérison. Donc ceci est une excuse également, lui permettant de ne pas avoir à prier debout. Ou bien, par exemple, si une personne est malade et donc est souffrante, et que la station debout, s'il venait à accomplir la station debout en prière, ceci provoquerait chez lui une douleur et une souffrance qui est telle que, de par sa maladie, la station debout jointe à sa maladie ferait qu'il serait déconcentré et qu'il n'arriverait pas à se concentrer sur ce qu'il dit dans la prière, sur les afkar, sur la récitation du Coran. Il n'arrive pas à se concentrer dans la prière parce qu'il est souffrant. Le fait que la maladie, jointe au fait d'être debout, fait qu'il souffre à un point tel qu'il n'est pas concentré dans la prière. Dans ce cas-là, il prie assis. Et la preuve que on doit se tenir debout dans la prière, si on en est capable, est le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné, selon le sens en français, et tenez-vous devant Allah avec soumission. Et cependant, dans les nawafil, donc, il est autorisé de prier assis. Et la preuve de cela, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné dans un hadith qui est rapporté dans le Sahih de l'imam Muslim, que la prière de la personne assise est similaire à la moitié de la récompense de la prière accomplie debout. C'est-à-dire que la personne qui prie assise a la moitié de la récompense de celui qui aura prié debout. Non. Donc ça, c'est ce qui est concernant les nawafil. Pour des gens qui sont capables de prier debout, s'ils préfèrent privilégier le fait de prier assis, ils n'ont que la moitié de la récompense. Non. Mais leur prière est valide. Car là, on est dans un contexte de prière dont l'accomplissement est recommandé. Ensuite, le deuxième argument qui prouve le caractère légitime de prier assis, lorsque l'on prie dans une nafila, le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été vu prier assis par Aïcha. Aïcha a rapporté qu'elle a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam prier assis et il n'était pas malade, alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, le fait de prier debout va dépendre de la capacité. C'est-à-dire que si on en est capable, on doit le faire, et si on en est incapable, on en est excusé, dans le cadre de la prière dont l'accomplissement est une obligation. Et il mentionne un hadith, qui est le hadith d'Imran ibn Hussein, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, prie debout, et si tu ne peux pas, alors prie assis, et si tu ne peux pas, alors prie sur le côté. Et le cheikh attira ensuite l'attention sur une erreur. Une erreur qui est fréquemment accomplie par certaines personnes et certains individus concernant la prière assise sur la chaise. C'est-à-dire que certaines personnes rentrent dans la mosquée et donc ils sont venus sur leurs pieds, donc ils sont venus en entrant dans la mosquée debout et ils font toute la prière assis. Ils font toute la prière assis. Cette personne-là est redevable de la prière debout. Et lorsqu'il s'agit des autres positions, s'il en est incapable, alors il fait ses autres positions en position assise. Cependant, les parties de la prière qui doivent être accomplies debout, il en est capable. Donc, il doit la faire debout. Il ne doit pas faire toute sa prière assis. Car vu qu'il a marché pour se rendre à la mosquée, il était en mesure de rester debout. Donc, les parties de la prière qui sont à accomplir debout doivent être accomplies debout. Et les autres parties de la prière, s'il en est incapable de les faire normalement, il les fait en position assise. Car la personne qui débute sa prière en étant assise, c'est-à-dire qu'il est rentré dans la mosquée, il est rentré à pied, sur ses deux pieds, donc en étant debout, donc il est apte à être debout, et qu'il s'est assis, et qu'il débute sa prière, il fait la takbiratul ihram assis, il a dérogé à plusieurs piliers. Parce que premièrement, il ne sait pas, il n'a pas fait al-qiyam al-qudra, alors qu'il en est capable. Il a fait takbiratul ihram qui doit être fait debout, il l'a fait assis. Il va lire al-fatiha, alors qu'on doit la lire debout, il va la faire assis, alors qu'il est capable de se tenir debout. Non. Et donc ceci est une erreur qui est assez récurrente parmi les gens. Ensuite, le deuxième élément qui est un pilier de la prière, takbiratul ihram, c'est le takbir dit de sacralisation. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué dans un hadith que la prière est est initiée et elle débute par ce takbir, qui est cette proclamation de la grandeur d'Allah par le fait de dire Allahu Akbar, et que cette prière-là se termine par le taslimatayn, par un taslim, c'est-à-dire la salutation. Le fait de dire Assalamu alaikum wa rahmatullah, par exemple. Et elle a été appelée takbiratul ihram, dans le sens où elle rend illicite certaines choses. C'est-à-dire, lorsque la personne se met debout et proclame la grandeur d'Allah, donc c'est takbiratul ihram, le premier takbir, le takbir de sacralisation, ceci rend haram des choses. C'est-à-dire que tous les éléments qui sont normalement licites, mais qui rompent la prière s'ils sont accomplis pendant la prière, nous deviennent illicites, comme le fait de boire et de manger. Non. Et donc ces éléments nous deviennent illicites de par la takbiratul ihram. Pourquoi ? Parce que cette proclamation de la grandeur d'Allah initie la prière et fait que l'on est en prière. Et donc de ce fait, ces choses qui sont licites, comme le fait de parler aux autres, comme le fait de boire, comme le fait de manger, nous deviennent illicites momentanément durant le temps d'accomplissement de la prière. Et nous redeviennent licites suite aux salutations qui concluent la prière, qui sont la clôturation de la prière. Et donc la fin de la prière, nous rendant licites ces choses à nouveau. Et cette takbira, takbiratul ihram, doit avoir lieu debout. Donc ça, c'est un point important. Pourquoi ? Car le cheikh a attiré l'attention sur un élément. Beaucoup d'individus font une erreur lorsqu'il s'agit de rejoindre la prière qui est déjà en cours d'accomplissement par l'imam et les ma'moumines, les dirigés. Là, on parle donc du cas du retardataire. Si par exemple, quelqu'un arrive, il rentre dans la mosquée et l'imam est prosterné ou il est assis par terre en train de faire le tachéhoud, et que les gens sont derrière lui en train de le suivre, lui doit impérativement dire Allahu Akbar alors qu'il est debout. Donc il doit être debout, dire Allahu Akbar, puis il va rejoindre l'imam par terre, en le rejoignant dans la prosternation ou dans le fait de le rejoindre dans la position assise pour accomplir le tachahud. Mais s'il vient à directement aller à la prosternation, il ne dit pas Allahu Akbar debout, sa prière n'est pas valide. Il doit impérativement dire le takbir, le premier takbira, takbiratul ihram, debout, puis ensuite va rejoindre l'imam dans la position dans laquelle il se trouve. Ensuite, il mentionna un hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel il avait mentionné alayhi salatu wa sallam, et si tu te lèves pour la prière, alors proclame la grandeur d'Allah. Fakabbir, proclame la grandeur d'Allah. La takbir, donc il doit être impérativement formulé debout. Cette takbiratul ihram, elle doit être prononcée debout, de façon impérative. Et la proclamation de la grandeur d'Allah, c'est le fait de dire Allahu Akbar. Et quant au fait de lever les mains, est-ce que ceci fait partie du pilier ? Non. Le pilier est le fait de dire Allahu Akbar. Cependant, le fait de lever les mains, lorsque l'on dit cette takbiratul ihram, le fait de lever les mains est recommandé. Et il y a ijma entre les ulémas sur cela. C'est-à-dire que c'est recommandé de par consensus entre les ulémas. Les ulémas ne divergent pas sur le statut de la recommandation du fait de lever les mains lorsque l'on proclame la grandeur d'Allah pour initier le début de la prière. Et le lever des mains se fait au niveau des épaules, c'est-à-dire en levant les deux mains au niveau des épaules ou au niveau des lobes des oreilles. Non. Ensuite, le cheikh Mohammed bin Abdul Wahhab, rahimahullah, a mentionné ce qu'on appelle du'a al-istiftah. C'est-à-dire que la personne, si elle vient à se mettre debout et qu'elle proclame la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que donc elle dit Allahu Akbar, avant de demander la protection d'Allah contre le shaitan et de rester sur surat al-Fatiha, il y a une sunnah qu'on appelle du'a al-istiftah. C'est l'invocation d'ouverture. Et cette invocation est à dire après la takbiratul ihram, avant de demander la protection d'Allah contre le shaitan et avant de procéder à la lecture de surat al-Fatiha. Et cette dua, cette invocation est une sunnah, c'est-à-dire que son accomplissement est recommandé et n'est pas de l'ordre de l'obligation. Ce n'est pas une condition de la prière, ce n'est pas un pilier de la prière, ce n'est pas une obligation de la prière. C'est une sunnah de la prière. Et donc, il est dit que le cheikh Mohammed Abdul Wahhab rahimahullah a mentionné cette invocation qui dit Subhanaka Allahumma wa bihamdik wa tabaraka smuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghayruk. Et il explique le sens. Wa ma'na Subhanaka Allahumma ay unazzihuka at-tanzih al-la'iq bi jalalik. C'est-à-dire le fait de proclamer la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala par le fait d'affirmer sa perfection et de l'exempter de tout défaut, d'une manière qui sied à sa majesté. Wa bihamdik, C'est-à-dire, hey, thana ou alaik. C'est-à-dire l'éloge qui est fait à Allah, la louange qui est adressée à Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tabaraka smuk, ceci fait référence au fait que al-baraka tunal bi dhikrik, que la bénédiction est obtenue de par ta mention, la mention d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et lors de ce passage de la risala de Cheikh l'Islam, Cheikh Ahmed Badoukhoun a expliqué que, par exemple, la bénédiction de la guérison lors de la ruqya s'obtient par la lecture du Coran et de par les invocations dans lesquelles Allah est mentionné, subhanahu wa ta'ala. Ensuite, wa ta'ala jadduk, yani jallat adamatuk, c'est-à-dire que soit exaltée ta grandeur. Non. Wa la ilaha ghayruk, c'est-à-dire la ma'bouda fi l'ard wa la fi s-sama'i bihaq siwak, ya Allah. C'est-à-dire que nulle divinité n'est digne d'être adorée et d'être adorée de façon légitime, que ce soit dans les cieux et sur la terre, si ce n'est toi, ya Allah. Ensuite, il mentionna une autre sunna de la prière, al-isti'adha. Al-isti'adha est l'imploration de refuge. Al-isti'adha, c'est lorsque l'on dit a'udhu billah. C'est le fait d'implorer le refuge, de demander à Allah la protection et le refuge contre quelque chose. Et donc, il est légiféré. Donc, après la takbiratul ihram, qui est un pilier, il est une sunna de dire subhanak allahumma wa bihamdik wa tabarak asmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghayruk. Et ensuite, c'est une sunna également de dire a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Et donc, le ma'na de a'udhu, c'est al-udhu, c'est-à-dire je cherche le refuge. Je m'oriente et je me cramponne fermement à toi, ya Allah, dans le fait de chercher la protection et la préservation contre le diable. Et le diable a été décrit comme étant al-rajim, le lapidé. Mais le sens, c'est al-matroud, le repousser. Al-mub'ad an rahmatillah. C'est-à-dire l'écarter, l'éloigner de la miséricorde d'Allah. Afin que, la yadurruni fi dini wa la fi dunyaï. C'est-à-dire afin qu'il ne me cause pas de préjudice et qu'il ne puisse pas me faire de tort et ne me faire quelconque mal dans ma religion ou dans ma vie mondaine. Ensuite, Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah aborda le troisième pilier. Donc le premier pilier de la salat, c'est le fait de se tenir debout si on en est capable. Le deuxième pilier était le fait de dire Allahu Akbar lorsque l'on est debout. Takbiratul ihram. Ensuite, le troisième élément, qui est un élément donc, qui fait partie des piliers de la prière, qara'atul fatiha. Et c'est un rukn fi kulli raka'a. Le shir a expliqué que donc, c'est un pilier à respecter dans chaque unité de prière. Et il mentionna le hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Il n'y a pas de prière pour celui qui ne récite pas l'ouverture du livre. » C'est-à-dire suratul fatiha. Et elle est la mère du Coran. Ensuite, justement, le cheikh aborda ce sujet en expliquant que la personne qui délaisse sciemment, c'est-à-dire qu'il a la capacité de réciter surat al-Fatiha, mais qui volontairement renonce à la réciter, sa prière est invalide. Et c'est une obligation dans chaque unité de prière pour tout individu. C'est-à-dire que l'imam doit réciter surat al-Fatiha obligatoirement dans chaque unité de prière. Donc ça, c'est concernant l'imam. Concernant al-Munfarid, c'est-à-dire celui qui prie tout seul. Une personne qui prie une prière tout seul, il doit réciter impérativement la Fatiha dans chaque unité de prière qui compose sa prière. Et également pour Al-Ma'moun, c'est-à-dire la personne qui est dirigée. C'est-à-dire que celui qui prie derrière l'imam, dans la prière à voix haute, à voix basse, quelle qu'en soit la prière, qu'elle soit à voix haute ou à voix basse, il doit impérativement et obligatoirement réciter surat al-Fatiha dans chaque unité de prière. Même dans les prières dites à voix haute. C'est-à-dire dans lesquelles l'imam récite à voix haute et dans lesquelles il est écouté par ceux qui sont dirigés par lui. Et ceci est l'avis qui est considéré prépondérant auprès de notre noble cher Ahmed Badoukhoun, hafidhahullah. Et il argumenta et soutena et étaya cet avis en mentionnant le hadith d'Abu Huraira, dans lequel il est rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam parla, s'adressa à ses sahaba en leur demandant « Il se peut que vous récitiez derrière votre imam ?» Et ils répondirent « Oui ». C'est-à-dire que donc ça prouve qu'ils connaissaient le caractère obligatoire de réciter derrière l'imam, de réciter surat al-Fatiha. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit « Ne le faites pas, ne restez pas derrière votre imam, sauf concernant l'ouverture du livre, car nulle prière pour celui qui ne la récite pas. » Donc ceci est un argument qu'avança le cheikh pour prouver que donc la surat al-Fatiha doit être impérativement récitée derrière l'imam. Lorsque l'on est tout seul, on récite al-Fatiha dans chaque unité de prière. Lorsque l'on est imam, on récite la Fatiha dans chaque unité de prière. Et lorsqu'on en est dirigé, c'est-à-dire que l'on prie derrière un imam, on doit impérativement réciter surat al-Fatiha dans chaque unité de prière. et cela même si la prière est une prière à voix haute. Donc dans les prières à voix haute ou à voix basse, on doit réciter la Fatiha. Et la différence qui va se trouver entre les prières obligatoires, par exemple à voix haute ou à voix basse, ça va être que dans la prière à voix haute, on va réciter surat al-Fatiha, puis on se tait et on écoute la récitation de l'imam pour le reste. Donc on dit que surat al-Fatiha, dans les prières à voix haute. Mais par contre, dans les prières silencieuses, dites à voix basse, naam, donc on récite surat al-Fatiha et on peut réciter du Coran en plus après, par la suite. Et donc le hadith que le shir a mentionné prouve que la prière est une obligation, même derrière l'imam, même dans la prière à voix haute. Car le prophète Sassam a dit, il n'y a pas de prière, nulle prière. Donc c'est un terme qui a été affirmé de façon générale. Nulle prière pour celui qui ne récite pas l'ouverture du livre, c'est-à-dire qui ne récite pas surat al-Fatiha. Donc c'est une négation, c'est-à-dire la négation de la validité de la prière et de l'existence même de la prière concernant celui qui ne la lit pas. Et donc cette négation et ce jugement a été prononcé de façon générale, englobant et incluant donc l'imam, la personne qui prie seule ou la personne qui prie derrière un imam et qui est donc dirigée par lui. Tous sont concernés par le fait que s'ils ne récitent pas surat al-Fatiha, ils n'ont pas de prière. Et concernant le verset que certains utilisent comme argument dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit, selon le sens approximatif du sens du verset, en français, « Et lorsque le Coran est récité, soyez silencieux et écoutez attentivement. » Le shir a dit que ce verset-là, on l'applique en récitant surat al-Fatiha derrière l'imam, et ensuite on se tait et on écoute attentivement sa récitation dans le reste. Non. Puis ensuite, le shir aborda par la suite le tafsir de surat al-Fatiha. Le tafsir de surat al-Fatiha, dont nous ferons la traduction bi-idhnillahi azawajal dans l'assise de demain. Bi-idhnillahi azawajal. Et donc nous nous arrêtons là, dans cette assise du jour, walilalhamd, et nous poursuivrons dans la traduction des explications de notre noble shir dans l'assise de demain, qui portera donc sur la complétion des explications concernant les piliers. Et nous verrons dans l'assise du mercredi, qui sera la dernière assise, les wajibat et le reste de la risala bi-idhnillah. Dans le cas où vous aurez des questions concernant le contenu de nos cours, n'hésitez pas à contacter les responsables du Marquez en contactant directement à travers le mail du site internet du Marquez ou à travers les réseaux sociaux en contactant le responsable sur Telegram ou sur Instagram ou sur Twitter. Barakallahu fikum, wa ahsanallahu ilaykum, hadha wa subhanak allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.